messieurs vendeurs de vent, vous les montreurs de chiens savants, magiciens charmeurs de serpents, poudre aux yeux pour les enfants, au grand bal des rêves truqués, là où vos tréteaux sont plantés, les guitares ont beau jouer, je ne viendrai pas danser. Pas question de brûler mes ailes, pas question de suivre vos pas, je n'ai pas le temps. Si demain la chance m'appelle, avant tout je veux être moi. Faiseurs d'argent, vous les chercheurs de faux talents, marionnettes à faire semblant, en disque d'or et chèque en blanc, au palais des mondanités, limousine et publicité, tous vos flashs ont beau crépiter, je n'irai pas m'afficher. Pas question de brûler. Question.